Chapitre 5e. Comme cela m'intéresse, tout ce que vous me dites de la petite maman jeune fille. Voilà qui fait penser à la femme enfant de Dickens, c'est écœurant. Enfin, la jeune personne qui conduit à travers l'Europe son incohérente famille, pendant que les parents s'enivrent de jazz à Venise. Joli échantillon des mœurs modernes. Mais ce ne sont plus des mœurs. Est-ce qu'il y a encore des mœurs? À peine des habitudes. Si je voyais la petite personne, je suis sûr que j'aurais le coup de foudre tout comme vous-même. Heureusement que ce n'est plus pour longtemps, où je vous verrai arriver avec la fiancée des romans de cinéma, escortée d'une aimable tribu d'une douzaine de mioches adoptifs. Dans ce cas, je vous en préviens, ne comptez pas sur moi pour le poste d'institutrice. P.S. Quant à être jolie, c'est clair, ou vous ne prendriez pas tant de peine pour me faire croire le contraire. Comme c'était bien là du Rose Sellars. C'était-elle des pieds à la tête, cette lettre? Son esprit, son intelligence, son humour? Pourquoi fit-elle sur Boyne une impression désagréable? Un soupçon de grimace et de minauderie, quelque chose d'un peu fait, peut-être, comme à rien de maquillage. Le savoir-faire, ah oui, le voilà bien, le triomphe de Madame Sellars. Elle avait une façon de tout amener, jusqu'aux moindres choses, avec l'adresse d'un cavalier qui conduit son cheval sur les barres. C'était sa vie, cela. Adapter, arranger, lever une lampe, baisser un voile, tirer des rideaux, disposer des écrans. Elle n'avait pas sa pareille pour l'arrangement d'un salon. Et elle avait porté le même art sur sa personne et dans sa vie. L'existence ne lui avait offert qu'une étoffe misérable et tout à fait au-dessous d'elle. Mais comme ses mains de fée savaient draper un châle sur un coin de divan et chiffonner un abat-jour avec un méchant bout de papier, elle avait su, avec des éléments ingrats, un pauvre homme de mari, une maison maussade, des relations sans intérêt, trouver le moyen de faire un ensemble distingué, personnel, presque séduisant, si bien que dans son petit monde, on disait « Rose Sellars » pour dire intelligence et originalité. C'était une artiste en son genre, une artiste dont l'art suprême consistait à tout faire doucement, sans se faire remarquer. Une retouche par-ci, un petit mot par-là, sans jamais sortir de son cadre mondain et domestique. C'est cela qu'elle avait de plus original, cette tenue et cet effacement qui ne se démentait jamais. C'est cela qui était si rare par le temps qui court, et qui avait attiré Boyne au temps de ses voyages, quand, au Brésil ou en Australie, il se disait qu'il allait retrouver au retour, dans ce New York toujours changeant, ce point invariable, la porte de la maison de Madame Sellars, toujours la même, au même endroit. Le salon avec ses eaux-fortes de Whistler et ses aquarelles de Sargent, et dans ce salon le même accueil paisible au coin du feu. Au cours de sa vie de vagabondage, cette stabilité de son ami lui était particulièrement précieuse et agréable, et puis la façon qu'elle avait, à chacun de ses retours, de s'être imperceptiblement épanouie comme une rose qui déroule un nouveau pétale. En plein soleil, l'explosion eût été beaucoup plus rapide. Mais Rose Sellars était l'oiseau dont parle Heine, dans une cage exposée au nord, le nord, ou pour mieux dire, quelques degrés vers le nord-ouest, en sorte que sa fenêtre recueillait non pas la lumière de l'aurore, mais les riches harmonies du soir. Jeune, l'avait-elle jamais été, d'une jeunesse immodérée, comme cette petite qui faisait l'objet de leur correspondance humoristique, et qui pourtant à sa façon savait tellement plus long que Rose Sellars. Mais l'âge d'une femme, est-ce que cela compte? La femme qu'on aime à l'âge qu'on veut. Quand on ne l'aime plus, qu'importe l'ensorcellement de la jeunesse ou les manèges de l'âge mûr. Et puis, 5 ans, c'est long, résuma-t-il une fois de plus, avec la petite appréhension qui ne le quittait pas chaque fois qu'il pensait au prochain rendez-vous. Oui, 5 ans, c'est bien long, surtout quand ces années changent une situation et peut-être l'héroïne elle-même. Ce qu'il allait retrouver, c'était une Rose Sellars qu'il ne connaissait pas. Il y a 5 ans, c'était encore une femme mariée, résignée sans doute, mais exemplaire, qui avait résisté à toutes ses prières. À présent, c'était une veuve. Veuve, mot redoutable et plein de sous-entendus. Boyne en était déjà à se demander si le grand attrait de son ami ne tenait pas au fait d'être inaccessible. Il avait beau se dire que ce n'était pas son genre. Le genre du monsieur qui en a assez d'une femme dès qu'elle est devenue la sienne. Tout cela, ce sont des phrases. En amour, il n'y a pas de principe et de caractère. Tout dépend de la minute présente. Attendons, se disait-il, nous verrons. Une fois qu'il l'aurait revu, c'est alors qu'il saurait vraiment si le charme tenait toujours. C'est pourquoi il était en route. Monsieur, est-ce que je pourrais vous parler un petit moment ? Chassé du pont par la chaleur, la réverbération et le va-et-vient des passagers, Boyne s'était jeté dans sa cabine sur sa couchette et lisait dans l'heureuse apathie de la digestion. Il reconnut son petit ami qui passait le buste par la porte de la cabine, mince, dans un petit complet gris. C'était Terry, avec ses petites joues trop roses, ses yeux noirs trop brillants et ses longs cils qui donnaient parfois à son honnête visage d'enfant une expression de beauté douloureuse. « Comment donc ? Entre, mon garçon. Il fait meilleur ici que là-haut pour le moment. » Terry jeta sa casquette et s'assit à côté de Boyne. Au bout de 15 jours de voisinage, ils étaient devenus une paire d'amis, comme il arrive dans ces cas-là quand on ne se prend pas en grippe. Mais au fond, ils avaient très peu causé ensemble. Terry dormait toujours quand Boyne rentrait se coucher, et Boyne était toujours debout bien avant l'heure où l'enfant, condamné au lit par la vigilance de l'institutrice, entreprenait une toilette qui durait jusqu'au déjeuner. Boyne avait déjà une idée du caractère de tous les Weather, mais c'est avec Terry qu'il était le moins lié. Le ton de l'enfant et la formule presque diplomatique qu'il venait d'employer lui firent jeter son roman avec un peu de curiosité. « Qu'est-ce qu'il y a pour ton service ?»« Je voudrais que vous obteniez qu'on me donne un précepteur. »« Qui ça, on ?»« Les Weather. Je veux dire papa et maman, » dit Terry en se reprenant. Boyne savait que les petits se servaient souvent de ce nom-là pour désigner la raison sociale de la famille. « C'est pour simplifier, » avait expliqué l'institutrice, « parce que pour se faire connaître des petits camarades rencontrés çà et là au hasard de leur vie nomade, les mots de papa et de maman appliqués à des gens de toutes les paroisses, cela fait des brouillamini à n'en plus finir. « Tenez, » ajoutait la vieille fille, « nous avons même rencontré plus fort, c'était l'année dernière au casino de Biarritz. » Une petite fille à boucles noires et à pendants de perles. Celle-là distribuait à ses nouvelles connaissances un tableau dactylographié des divers mariages de ses parents et des adoptions successives qui en résultaient pour elle-même. Ça se fait partout maintenant, d'appeler les parents par leur nom de famille. Les miens, avait-elle conclu en parlant des enfants, ont commencé par faire comme les autres et à présent ils continuent, bien qu'heureusement pour eux ce ne soit plus la peine puisque les parents se sont rapatriés. « Je voudrais, » continua Terry, « que vous disiez à papa et maman qu'il est temps de penser à mon éducation. Je suis déjà très en retard. Il faut le leur faire comprendre et, pour cela, je ne vois que vous. » Ses regards fiévreux, trop fiévreux, se fixaient sur les yeux de Boyne et tout son visage respirait cette précoce anxiété qui donnait quelquefois à celui de sa sœur une maturité inquiétante. « Mon petit, je ferai pour toi tout ce que tu voudras. Mais verrai-je tes parents cette fois-ci ? À peine débarqué, je ne fais qu'un saut dans le train. » La mine de l'enfant s'allongea. Quel dommage. Oh, je comprends bien qu'au bout de 15 jours, on doit en avoir de nous autres par-dessus les oreilles. Tout de même, on croyait, Judith et moi, que vous resteriez bien un jour ou deux à Venise. On se disait qu'il y a bien des choses que vous pourriez pour nous. Boyne le regarda, vraiment intéressé. Moi aussi, cela me ferait plaisir, grand plaisir, mais tu t'exagères mon influence. « Il y a des années que je n'ai vu tes parents. Peut-être ne se souviennent-ils même pas de moi. »« Ça n'en vaudrait que mieux. Vous seriez du nouveau pour eux, » dit astucieusement Terry. « Alors, si tu crois qu'il en est ainsi, je vais tâcher de m'arranger. Si je peux changer mes projets, mais ça ne dépend pas de moi. »« Ah, si cela se pouvait. Je n'ai jamais eu personne en état de parler pour moi. » Scopy leur tape sur les nerfs et, naturellement, on trouve que Judith est trop jeune pour s'y connaître en éducation, d'autant qu'elle n'a jamais été élevée elle-même. Elle ne sait même pas l'orthographe. Elle écrit estomac avec un K. Et on me laisse avec des nurses et des espèces de gouvernantes. Car Scopy, ce n'est même pas une vraie institutrice. Comme si j'étais un mioche comme Bun, tandis qu'à mon âge, je devrais être en train de terminer mes études. L'émotion faisait monter le rouge au visage de l'enfant, et ce flot de sang laissa deux grandes plaques sur ses joues. Judith me dit que je ne suis pas juste, et que je devrais penser à tout ce que j'écoutais en médecine, en station d'hiver et d'été, et tout le Bataclan. Une année, ça c'est vrai, on m'a mis au collège. C'est moi qui n'ai pas pu y rester à cause de ma maudite température, je le sais bien. Mais avouez que c'est écœurant, en sortant du collège, de retomber sur Scopie et Nounou sans même un copain à interroger et pour me donner un tuyau sur ce qu'on fait apprendre aux autres. L'été dernier, à Saint-Moritz, j'ai connu un type de mon âge et qui n'a pas beaucoup de santé. Sa mère était remariée avec un papa très calé qui avait donné au petit un bon coup de main et lui payait un précepteur. Il commençait ses arts et il apprenait ses verbes grecs. Et pourtant, tous les soirs, il avait de la température. J'ai dit à Judith, « Tu vois bien ?» Et elle a été d'avis qu'on pourrait très bien me donner un précepteur. On m'a laissé prendre des leçons pendant 15 jours avec ce type dont je vous parle. Et puis nous sommes partis. Terry s'interrompit. « Tenez, encore une de nos déveines. Partir, tout le temps, partir. Il paraît que c'est fatal dans les familles nombreuses, où il y a des tas de parents dans des tas d'endroits et qui passent leur temps à se disputer les enfants. » Sans compter les gens d'affaires qui changent tout dès qu'on se croit sûr de quelque chose. Il faut croire qu'on ne peut pas être tranquille tant qu'on est jeune. Scopie prétend que ça passe, et qu'avec le temps, les parents finissent par se calmer. L'enfant avait dit cette dernière phrase sur le ton de l'interrogation. Boyne, comprenant qu'il attendait une réponse, déclara, avec conviction, « Mais oui, mon vieux, ça passe, tu verras. » En même temps, il se rappelait cette chaude enveloppe d'habitude, qui avait entouré ses premières années, tissant autour de lui un rideau, un écran de souvenirs et de visages familiers avant l'heure d'être jeté dans le monde. Ce qui lui faisait pitié pour cette petite tribu, connue sous le nom des Water, c'était de les voir si exposés à tous les vents, si désemparés, comme s'il leur avait manqué une phase de croissance secrète, à laquelle les palaces et les rapides de la Côte d'Azur n'offrent pas un abri suffisant. Il se sentit gêné devant le regard insistant de l'enfant, et compris pourquoi Miss Scopie détournait les yeux toutes les fois qu'elle parlait de lui. Si ça passe, mais avec l'âge, mon vieux, ça se fait tout seul. Tu vois bien tes parents, les voilà tranquilles, la famille se recolle. Boyne exagérait dans l'optimisme, mais en des matières si délicates, ce n'est pas très facile d'attraper la note juste. Oui, consentit Terry, on le dirait, mais je connais des copains qui ont été dans le même cas, et qui ont été joliment mis dedans. Voyez-vous, on ne sait jamais à quel âge les parents sont vieux, surtout avec ces trucs des médecins pour rajeunir. Alors, si vous pouviez leur glisser un mot, je suis sûr que ça aurait beaucoup de poids. C'est aussi l'avis de Judith. Eh bien, c'est dit. Je m'arrêterai un jour ou deux à Venise, et je ferai pour vous tout mon possible. En parlant ainsi pour calmer l'enfant, Boyne venait de jeter au vent ce qui restait de ses projets. Et après tout, dans quelle mesure la prière de Terry n'avait-elle pas devancé chez lui un secret désir? Non pas tant le désir d'ajourner le rendez-vous de Cortina, du moins il n'aurait pas voulu se l'avouer, que celui de retarder le moment de se séparer de ses nouveaux amis et surtout de Judith. L'expédition de Monréalé avait été suivie de plusieurs autres aussi classiques, et dans ces innocentes bordées, pleines d'une joie sans mélange, comme dans les longues journées azurées du bateau, il avait achevé de se laisser envahir par cette chaude vie animale qui s'exhale d'une troupe d'enfants sains et joyeux. Tout ce qui touchait cette petite pension hétéroclite l'intéressait, l'amusait, et rien ne lui semblait émouvant comme la résolution où ils étaient de ne jamais rompre le lien d'une fraternité si fragile. Émouvant, car on y sentait le résultat d'une expérience habituellement épargnée à l'enfance. Boyne n'avait qu'à faire appel à ses propres souvenirs. Dans son enfance à lui, Boyne, un voyage à la mer, dans quelques camps de vacances, ou encore chez une tante, quand on attendait un petit frère à la maison, ne lui coûtait ni chagrin, ni regret, pourvu qu'on le laissât emporter ses joujoux. L'angoisse de la séparation, il ne l'avait même pas soupçonnée. Une vraie séparation, l'arrachement à ce petit monde de personnes et de choses qui s'appelle la maison, la seule idée de ce désastre, n'avait pas même effleuré la pensée de Boyne enfant. C'est de même que le contraire, une vie calme et rassemblée, ne semblait pas une chose possible au petit Water. Dire que tous les petits amis, presque tous des connaissances de palace, se trouvaient à la même enseigne. Comme disait Terry, on est toujours en l'air quand on est jeune. Et Judith s'étant mise à expliquer à Boyne les raisons qui liguaient les petits Water contre les déplacements, il se sentait en l'écoutant une détresse de spectateur impuissant. Ce lui fut une joie d'entendre dire à la jeune fille, et avec quelle énergie, « Je suis bien décidé à défendre les petits. » Plus il voyait se dessiner les caractères de la petite bande, plus il distinguait l'égoïsme de Blanca, tempéré seulement par le besoin fébrile qu'elle avait de se sentir approuvée par son frère, les tumultueux abandons de Beachy, plus il comparait la sèche et pratique Zini au tempérament sinueux et personnel de Bun, plus il observait les réactions de ses jeunes héros, plus il s'émerveillait que la passion de Judith fût entre eux un nœud plus puissant que cette collection d'hérédités disparates. Pourtant, c'était ainsi. Il se représentait le bloc que le petit régiment présenterait à l'ennemi sous le commandement de la grande. Ainsi, ils auraient toujours le dernier mot. Les parents resteraient ensemble si les petits s'étaient mis en tête d'empêcher le ménage de se disloquer. Terry aurait son précepteur s'il en avait vraiment envie. « Est-ce qu'on peut refuser quelque chose à Terry ?» se disait Boyne. Lui-même, pour commencer, n'allait-il pas à Venise avec la petite bande pour surveiller les événements ? Disons, entre parenthèses, qu'il n'était pas fâché de satisfaire sa curiosité à l'endroit de ses étranges parents.